Mais la première, c'est de faire un mouvement de style musculaire par transport de protéines. Les cellules ont une espèce de squelette à l'intérieur et sont capables de utiliser leur squelette pour se mouvoir dans certains cas. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir changer de forme, faire des espèces de bras, des pseudopodes, puis tout ça. Et ça, c'est en poussant leur squelette. Ça veut dire qu'une cellule qui est structurée pour le faire peut s'allonger et se rapetisser. C'est comme ça que nos muscles fonctionnent. Ils ont des structures supplémentaires, évidemment, pour se tenir entre eux, hein, tandis que les cellules ciliées, tout se passe dans les cellules. Mais il existe aussi une autre technique pour faire ça. Comme la cellule, c'est un milieu fermé par une espèce de double paroi, elle est sujette à l'osmose et à l'osmose inverse. Pour que des différents produits, comme des ions, puissent entrer dans les cellules, la plupart du temps, elle a besoin d'ouvrir des canaux. Il y en a certains qui sont passifs, qui vont laisser entrer puis sortir sans aucun effort, et il y en a d'autres qui sont actifs, donc ils vont prendre de l'énergie, mais ils vont forcer des ions à entrer à l'intérieur. Ce qui arrive quand on boit trop d'eau, c'est que nos cellules vont gonfler. La raison est assez simple, c'est que la concentration de sel dans la cellule est élevée. Et par osmose, nécessairement, l'eau veut diluer la cellule. C'est quoi le mécanisme de l'osmose? C'est un principe physique qui ressemble un petit peu à la pression d'un gaz. Donc, si j'ai la paroi d'un ballon, je souffle dedans, je mets de la pression, il va pousser contre l'atmosphère externe. Si je fais quelque chose de semblable avec une membrane qui serait semi-perméable, d'un côté, je mets de l'eau salée, de l'autre côté, je mets de l'eau non salée, il va avoir un effort des ions pour s'échapper puis atteindre plus ou moins la même pression. Et ce que ça fait à ce moment-là, c'est que si la membrane est semi-perméable, l'eau va pouvoir traverser cette membrane-là, alors que les ions peut-être pas, ou on pourrait faire le contraire, on pourrait faire une membrane où les ions vont vouloir traverser. Là, les ions, je parle d'une solution chargée, là, avec, ouais. Par exemple, beaucoup de sel, ça va mettre beaucoup d'ions dedans. Il y a une différence électromagnétique. Ben, on appelle ça la pression osmotique. OK, parce que c'est vraiment la pression, parce que tu me disais ça. C'est une sorte de pression. OK, parce que tu t'as dit pression, dans ma tête, je me disais, t'sais, c'est pas comme si... Tu disais pression, je me disais, ah, c'est pas plus l'homogénéité. Ça cherche à vouloir être homogène plus que n'importe quoi. Ben, on atteint la limite de ma compréhension, mais ça a rapport avec la physico-chimie, la thermodynamique puis l'entropie à ce moment-là. OK. Fait que oui, l'homogénéité est désirée, mais de là à dire quel est le processus spécifique qui fait que ça arrive, là, on est un peu à la limite. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que deux côtés d'une solution salée ou non salée veulent atteindre la même concentration de sel. Okay. Et forcément, il y a une pression qui se dégage de ça. Okay. À ce moment-là, ça fait qu'une cellule qui est très salée va vouloir être diluée par un milieu qui l'est pas. Donc, elle va absorber l'eau, elle va gonfler. En utilisant son squelette, elle va pouvoir utiliser cette propriété-là pour s'étirer dans un seul sens au lieu de gonfler comme un ballon. Puis de l'autre côté, elle peut aussi elle-même faire du transport d'ions pour se dessaler. Là, à ce moment-là, l'eau va vouloir sortir parce que son environnement externe va être plus salé. Mais qu'en jouant avec les pressions osmotiques, les quantités d'ions à l'intérieur et à l'extérieur, elle va pouvoir faire différents mouvements. D'ailleurs, les neurones vont faire un genre de signalisation avec des transports d'ions comme ça. Ils vont pas faire exactement des principes avec l'osmose tant que ça. C'est-à-dire, tu sais, du transport passif, c'est un peu de manipuler l'osmose, là. D'avoir des ions qui vont rentrer tout seuls, mais c'est parce que d'un certain côté, j'en ai sorti d'autres. Mm-hmm. Ils vont vouloir les remplacer. Fait que quand j'ai un influx nerveux qui se déplace dans un neurone, ben il faut que je fasse du transport d'ions, puis la vague de transport d'ions va partir d'un bout à l'autre. Comme la charge électrique. Oui, ben nécessairement parce que les ions sont positifs ou négatifs. Fait qu'on voit une espèce d'électricité chimique dans ce processus-là. Donc c'est quelque chose de similaire qui se passe avec les cellules ciliaires? Ciliées. En anglais, on dit ciliary cells. C'est pour ça que la traduction en français apparaît comme si c'était des cellules ciliaires, mais on dit ciliées. Donc les cellules s'excitent avec le mouvement, le changement de pression qui est dû à l'onde. On peut le voir comme un mouvement. Il y a du mouvement de particules. C'est juste que les particules partent pas d'un point A à un point B. ils vont faire AB, AB, AB. C'est une oscillation. Exactement. Une vibration, comme une répétition d'un changement de pression. Oui, c'est ça. OK. C'est une belle manière de l'expliquer. Donc ça, cette énergie mécanique-là est ensuite transformée en énergie électrique avec le mouvement puis le transport d'ions? Oui. Ben, ce qui arrive, c'est que les cellules externes vont amplifier, comme on disait tantôt. Ils vont faire vibrer la membrane basilaire. Là, on est dans la cochlée. Fait qu'il y a les premières cellules qui reçoivent le son. Ils font une amplification dans la cochlée. Ben, il y a une espèce de résonance. Et puis, des cellules externes à la membrane aux cellules internes. Les cellules internes se font exciter de la même façon. Sauf que, elles, au moment de vibrer, si on veut, vont libérer des neurotransmetteurs qui vont exciter des neurones qui ensuite vont aller au cerveau. Des neurones qui sont directement dans les oreilles. Ben, c'est que les queues ou les têtes vont toucher directement aux cellules de l'oreille, mais ces neurones-là comptent quand même dans le système nerveux, donc on peut dire qu'ils font partie soit des nerfs, soit du cerveau. Là. Comme un peu les yeux font partie du cerveau, en fait. Ben oui, d'une certaine manière. À cause que c'est tellement proche et lié, mais c'est pas, ça fait pas partie de la superstructure du cerveau comme tel. C'est genre comme des pré-neurones. J'imagine qu'on peut le voir comme ça. Il y a probablement des cellules qui sont vraiment à la transition, que les gens s'ostinent pour savoir si on est dans quel club. OK. Quoique, je pense que quand on fait l'étude du système auditif externe, on arrête à ces premiers neurones-là. Donc, le reste, c'est le système auditif interne qui inclut tous les neurones qui acheminent le signal et ceux qui l'interprètent. Juste pour savoir un peu comment ça fonctionne, que tu nous expliques l'aspect biologique, comment on reçoit le son? Ben, c'est un peu ça que je faisais depuis tantôt, c'est-à-dire que on passe par un tympan qui reçoit la pression. Lui, il va transmettre aux osselets qui ensuite vont taper plus ou moins sur la cochlée. Et la cochlée, ben, elle va vibrer, mais peut-être de pas grand-chose. Sauf qu'au moment où ça va se faire, les cellules ciliées vont répondre et ils vont vibrer approximativement de la même façon ou même assez précisément de la même façon. Juste pour rajouter le détail, si je me trompe pas, les cellules ciliées sont dans une espèce de solution. Ben, ils sont, oui, mais ils sont aussi fixés sur la cochlée elle-même. Il y a une espèce de jus, mais... Ce milieu-là est plus ou moins important pour l'explication. Là. Ça veut dire que quand je disais que le son résonne dans un liquide, ben nécessairement là on est rendu dans un liquide. Mm-hmm. Si c'est là où tu voulais en venir. Non, mais juste pour dire qu'il y a comme il y a quelque chose de il y a un médium de transmission. Oui, mais il y a aussi quand même contact parce qu'on est dans des tissus, donc ces cellules-là vont quand même toucher à la membrane basilaire qui est formée de d'autres cellules. Il y a des espaces avec du liquide, oui, je suis pas certain des propriétés puis à quoi sert le liquide en soi, mais cette membrane là qui reçoit le son permet de le transmettre jusqu'au fond de la cochlée. Donc les cellules qui reçoivent les sons auxquels on est moins sensible se trouvent au début et celles qui pour les sons auxquels on est plus sensible qui se transmettent mieux sont rendues au fond. C'est les sons graves, en fait. Donc, on essaie de détecter les sons difficiles en premier, mais la membrane va essayer de transmettre tous les sons le plus loin possible. Normalement, on est compétent avec les sons plus graves. Puis après, la membrane basilaire, son excitation qui est répercutée aussi dans la cochlée, ben ça va exciter les cellules ciliées plus internes qui excitent les neurones. Fait que c'est ça le chemin, le trajet complet. Okay. Juste une petite parenthèse, est-ce que tu sais pourquoi certains sons sont plus difficiles que d'autres? Comme pourquoi les sons, admettons, aigus sont plus difficiles à... Je suis pas absolument certain, mais je pense que ça a trait un petit peu comme en électricité à la quantité de friction qu'ils vont rencontrer. Si j'essaye beaucoup de fois par seconde, je me fatigue aussi beaucoup de fois par seconde. Tandis que si je fais le même mouvement, mais je le fais juste une fois par seconde au lieu de le faire plein de fois, nécessairement, mon énergie est dissipée moins vite. Okay. Donc, les sons graves se rendent plus loin que les sons aigus. Okay. Et c'est pour ça qu'ils sont plus faciles à entendre. Les cellules ciliées sont fascinantes parce que en plus de recevoir le son puis de vibrer de la même façon, ils sont capables de le décomposer. De décomposer. Oui, Et c'est parce qu'ils sont accordés avec des bandes de fréquences. Fait qu'il faut imaginer qu'on a une espèce d'equalizer qui contient des milliers de boutons glissants et que chaque bouton va gérer une bande de fréquences qui est très très mince. Ouais, c'est ce que tu disais, ça commence avec... c'est comme si dans un certain ordre aussi. Mm-hmm. Ça commence avec les cellules qui sont accordées pour les fréquences les plus hautes. Mm-hmm. Et puis ça descend jusqu'aux fréquences les plus graves. Ça. Dans notre cas, c'est 20 000 Hz, les fréquences les plus hautes, fait que ça veut dire qu'il y a une vibration 20 000 fois par seconde, et on l'entend, mais 40 000, on l'entend plus vraiment, et jusqu'à à peu près 20 Hz. Donc, on va imaginer, plutôt on sait que les chiens entendent des fréquences plus hautes, et on sait que les éléphants entendent des fréquences plus basses. Puis, je veux dire, on n'est pas les seuls à avoir des oreilles, là. Chaque espèce a des bandes de fréquences différentes, mais au sein du range, de l'étendue dont on est capable, on est aussi capable de décomposer avec beaucoup de précision. Pourquoi on a besoin d'entendre toutes les bandes de fréquences aussi bien, entre autres pour reconnaître des sons, mais qu'est-ce que reconnaître des sons nous apporte le plus dans la vie de tous les jours aujourd'hui? C'est pour notre langage qui est relativement complexe. Puis qui va utiliser toutes sortes de formantes qu'on appelle. Je suis pas très bon dans les formantes, mais c'est tout ensemble de variations d'harmoniques qui vont fabriquer des syllabes. Okay. Et ça, c'est quelque chose que tu peux reproduire au synthétiseur, mais c'est plus facile de le faire avec ta bouche. Ah, parce que faire du langage en synthétiseur, c'est quelque chose de très difficile apparemment. C'est juste dans les dernières années qu'on a commencé à avoir des voix qui touchent pas à l'espèce de comme uncanny valley. Là. Oui, c'est ça. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Je pense qu'on s'attendait pas à quel point l'oreille humaine est capable de capter les différentes harmoniques. Mm. Puis là, ça fait deux fois que je le mentionne, il va falloir que j'explique qu'est-ce que sont les harmoniques. On entend souvent parler d'harmoniques en musique. Oui. C'est ce qu'on fait sur une corde de guitare pour entendre un son différent de la corde. Sur la corde de guitare, les harmoniques sont un petit peu différentes que dans le son dans l'air, mais ils permettent quand même de bien comprendre. Fait que quand je fais résonner ma corde de guitare, j'ai ce qu'on appelle la note fondamentale. La note de la corde comme telle? C'est ça. La grosse corde sur la guitare, souvent ça va être le mi. Et puis la première harmonique que je vais entendre, je dois placer mon doigt approximativement au milieu de la corde. Je me souviens pas de la frette exactement, mais si vous regardez la guitare comme il faut, où la corde est attachée, puis où elle s'accote en haut sur le manche, c'est approximativement à la moitié. 12? Je pense oui. Ce serait probablement la 12e. Est-ce qu'il y a deux petits points? Ouais, exactement. Donc à cette frette-là, je vais pouvoir produire une harmonique. Pourquoi? C'est parce que... Les harmoniques naturelles, où tu fais juste accrocher un petit peu la corde. Mm-hmm. Juste pour dire, il y a une manière de la produire, cette harmonique-là, c'est pas comme un son de cloche. J'imagine. Ça résonne un peu différemment. Ça fait un son plus pur, mais en même temps qui contient d'autres saveurs que la corde par elle-même. Quand tu frettes une corde, tu mets ton doigt dessus, tu fais une pression, t'es assez lourde. Ouais. Quand même. Essentiellement, tu la raccourcis. Tu vas la coter sur la frette pour que d'un point de vue sonore, t'as une corde plus courte qui vibre. Ça, mais quand tu fais une harmonique, t'appuies pas aussi de manière aussi forte. Non. Ton objectif, c'est juste de maintenir le point central en place. OK. L'onde sur une corde, ça peut être vu comme une onde stationnaire. Donc, ça ressemble à ce qu'on va faire en faisant tourner une corde à danser. Il y a une grosse onde qui monte et qui descend. Si je fais tourner ma corde à danser suffisamment vite, je peux avoir deux espèces de ballons dans ma corde à danser. Je peux la séparer en deux. C'est ce que j'essaie de faire avec la corde de guitare quand je veux entendre l'harmonique. Ah, pour vrai? Oui. Wow. Donc, il y a une partie au milieu de la corde qui va rester stationnaire parce que la moitié gauche va monter pendant que la moitié droite va descendre. Puis, ils vont échanger leur position. Et on va avoir maintenant deux ondes stationnaires. Mais nécessairement, les extrémités de l'onde ne bougent pas. Je suis vraiment illuminé présentement. Je comprends vraiment c'est quoi une harmonique sur une guitare. C'est que t'es comme quand tu frettes une corde, tu raccourcis la corde, donc juste la partie entre ton doigt et comme le pic des guitares qui va vibrer. Mm-hmm. Tandis que quand tu fais l'harmonique, tu mets pas autant de pression dessus, t'en mets assez pour que la partie en arrière de ton doigt puisse vibrer aussi. Oui, mais tu stabilises la partie centrale qui est pas censée bouger. Wow! Mais tu peux le faire un petit peu partout sur la corde. Fait que si tu vas à un quart de la corde, tu peux entendre la deuxième harmonique. Est-ce que c'est ça? Je suis pas très bon en harmonique. C'est toutes des fractions de cordes. Mais le problème, c'est que tu vas avoir de la misère à la stabiliser parce que là, il y a 3 points de pression à faire, mais tu peux juste en faire un. Fait qu'il faudrait que tu puisses stabiliser le milieu et le premier quart et le troisième quart. Puis là, tu aurais tes 4 sections de cordes qui seraient stabilisées. Mais tout ça sans empêcher la corde au complet de résonner. Fascinant. Fait que sont les harmoniques d'un sens plus général? C'est les composantes d'un son qui peuvent être simplifiées comme des ondes sinusoïdales. Une onde sinusoïdale, c'est l'onde qu'on dirait classique qui ressemble à la fonction sinus en mathématiques ou la fonction cosinus. Il y a quelqu'un, un certain monsieur mathématicien, Joseph Fourier, qui avait démontré en étudiant la chaleur que toute fonction peut être décrite par une addition d'ondes sinusoïdales qui sont en réalité des multiples de l'onde principale. Tu peux dessiner un sinus, n'importe lequel, et puis le multiplier pour en faire des plus petites, comme on faisait sur la corde de guitare. OK, mais juste avant qu'on continue, l'onde sinusoïdale, tu dis l'onde classique, c'est quand on regarde un graphique, c'est comme une vague. Ça commence, mettons, à zéro, ça va jusqu'en haut. Ça commence à zéro, ça fait une belle montagne, bien arrondie, mais c'est pas un demi-cercle. Ça ressemble à une parabole, disons. Comme une montagne russe. Oui, c'est ça, une belle montagne russe. Belle montagne russe. Égale de partout, qui monte, qui passe par le zéro, qui fait la même forme, mais en dessous, et qui revient à zéro. D'après Monsieur Fourier, oui. Toutes les ondes sinusoïdales, peu importe à quel point elles sont hautes ou sont courtes, ou peu importe, peuvent représenter des fonctions. Plus exactement, c'est que les fonctions peuvent être... toute fonction peut être représentée par suffisamment d'ondes sinusoïdales additionnées ensemble. OK. Première chose que j'aimerais comme juste clarifier, c'est quoi une fonction en mathématiques? Une fonction, c'est essentiellement un lien entre deux variables, disons. C'est une façon simple de le représenter. Fait que ça va être une vitesse en fonction du temps. Ça va être une pression en fonction du temps. Dans le cas du son, c'est ce qu'on cherche. Si on fait du son d'un point de vue digital, ça va être un voltage en fonction du temps. Juste pour, admettons, on prend un son. Donc, le son, c'est la pression sur le temps. Mm-hmm. On aurait comme une onde sinusoïdale, donc une espèce de courbe, une montagne russe. Ben, en fait, on n'en aurait pas. On aurait quelque chose de bizarre. Non, mais on peut imaginer qu'on en a une. Ouais, je sais, mais c'est comme une manière abstraite de représenter le son. Ouais. OK? Dans le genre que l'axe des X, donc l'axe horizontal, ça serait le temps. Oui. L'axe des Y, donc l'axe vertical, ça serait la quantité de pression qu'il y a à un moment donné par rapport au temps. Oui. Donc, plus la courbe monte, plus il y a de pression. Dans cet écart de temps-là, on va avoir cette variation de pression-là, donc c'est ça notre son. Oui. Ouais, OK. Juste pour être sûr, juste pour comme essayer de... Et de normalement, pour avoir une onde qui est audible, il faut qu'elle se répète à un certain rythme pendant un certain temps. Sinon, je pense que l'oreille humaine va entendre potentiellement un claquement. Mm-hmm. Donc, l'oscillation qu'on parlait au début, c'est comme cette espèce d'action mécanique répétitive-là. Oui. De cette onde sinusoïdale-là qu'on aurait. Donc, pour avoir le son, on aurait l'onde sinusoïdale qui monterait puis qui descendrait puis qui monterait puis qui monterait. Anyway, elle serait longue, tu sais. Ce serait comme des longues montagnes russes. Exactement, des très très longues montagnes russes. Si j'enregistre sur mon ordinateur puis je regarde dans mon logiciel d'enregistrement, je vais probablement pouvoir consulter la montagne russe en question puis en découper des bouts. Mais la personne qui a déjà fait ça va remarquer que l'onde sinusoïdale est à peu près nulle part dans toute cette espèce de fouillis. Il va avoir des pics, il va avoir surtout des pics en fait, des zigzags, des trucs comme ça. Mais ce que Fourier disait, c'est que cette fonction-là, ça peut être compris comme une fonction, est assez étrange, ben elle peut être expliquée par suffisamment d'ondes sinusoïdales additionnées ensemble. Ce que ça implique, c'est que si je joue une note sur le violon, ben globalement, il va avoir une fondamentale là-dedans. Il va avoir une note que j'entends qui va correspondre à un équivalent sur une trompette ou sur un piano ou sur du matériel électronique qui ferait une onde sinusoïdale parfaite. Ça serait la fondamentale. Cette onde-là, je peux ensuite la modifier en additionnant d'autres ondes sinusoïdales qui sont identiques à elle, mais qui vont être des multiples. La façon la plus simple que j'ai trouvée pour expliquer, c'est en utilisant une onde carrée. C'est quelque chose qui est utilisé par des vieilles consoles de jeux, par des vieux synthétiseurs, puis ben ça existe encore aujourd'hui, puis c'est utilisé même dans les synthétiseurs récents, puis des chansons qu'on entend à radio. C'est aussi utilisé en électronique pour communiquer entre des appareils. OK, mais on va revenir à la corde de guitare, OK? Quand tu fais ton harmonique dessus, t'es l'harmonique t'es à la moitié de la corde, puis c'est par la corde en deux. Mais quand tu fais juste, mettons, la note fondamentale, t'sais, la note fondamentale va vibrer à un certain nombre de hertz. Okay? Quand tu fais l'harmonique à la moitié, là, t'as deux parties qui vibrent deux fois plus rapidement que la note fondamentale. Oui. C'est cette addition-là, de ces deux notes-là, qui font l'harmonique. Ben, oui, et c'est pour ça que ça a un son un petit peu différent, parce que les deux peuvent jamais être exactement pareils. Donc, on a une espèce d'interférence qui est intéressante pour l'oreille. OK. Et les cellules ciliées peuvent reconnaître cette variation-là, imparfaite, cette différence-là. En fait, ils sont capables de déconstruire le son de la corde de guitare en ces différentes harmoniques sans que tu les fasses sur la corde. Ils vont le faire parce que ils sont capables de détecter que c'est une guitare et que c'est pas un violon. C'est le chemin entre les harmoniques et les cellules ciliées est difficile à tracer, sauf que en pratique, ça fonctionne.